Chapitre 23e, dette. Ce fut après ces discussions que Séléphide invita Karim à visiter le musée des Moudjahidides situé au centre-ville. Les deux amis y allèrent ensemble. En entrant dans le local, ils furent accueillis chaleureusement par un homme assez âgé. Il expliqua. Ce lieu est géré par un groupe de volontaires, dont moi-même et un autre. Nous sommes tous des combattants de la guerre de libération. Curieux, dit Karim. Normalement, c'est l'État, se prétendant le dépositaire de la légitimité révolutionnaire, qui devrait créer et financer ce lieu. La carence de l'État s'est révélée utile, répliqua Séléphide. Elle a prouvé que les citoyens peuvent s'en passer. Ce musée en est une brillante démonstration. Il ajouta, avec un sourire narquois. Comme tu le constates, Karim, les ennemis de l'État ne sont pas les anarchistes, mais les détenteurs même de cet État, car ils en montrent l'aspect non seulement inutile, mais parasitaire. L'homme qui les accueillait eut une expression d'acquiescement. Puis il invita les deux nouveaux venus à entreprendre leur visite, après leur avoir proposé avec gentillesse. « Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez m'appeler. » Séléphide et Karim remercièrent, puis ils s'engagèrent dans la salle. À cette heure-là, vers 5 heures de l'après-midi, il y avait uniquement deux visiteuses, une femme et sa fille d'une quinzaine d'années, toutes les deux habillées à l'européenne. Séléphide marchait derrière Karim, en le laissant suivre l'itinéraire de l'exposition, bien indiqué par des inscriptions. Pour le jeune infirmier, ce fut une découverte. Et quelle découverte! Fulgurante, très pénible, en même temps très enthousiasmante. Karim voyait les portraits des combattantes et combattants morts pour leur dignité, celle de leur peuple, et donc, pensa Karim, aussi la mienne. Des hommes et des femmes de tout âge, même des mineurs de 14 ans, même des vieillards de plus de 70, de toutes les professions, ouvriers, paysans sans terre, petits employés, instituteurs, intellectuels, commerçants, bourgeois. Tout un peuple uni, animé par une ardente et unique aspiration, l'indépendance, donc la dignité. Là où Karim s'arrêta davantage, ce fut devant une photo particulière. Le visiteur savait déjà qu'il se trouvait devant Ahmed Zabana, le premier guillotiné de la guerre de libération nationale à l'âge de 30 ans. Séléphide intervint à voix basse. Une information manque ici. Le ministre, alors résident en Algérie, qui autorisa cette exécution, se proclamait socialiste. Il se nommait Robert Lacoste. Socialiste? Entre guillemets, bien entendu. Comme la majorité d'entre eux. Trop hypocrite pour être ouvertement des capitalistes. Ils parviennent de manière opportuniste aux strapontins de ce genre de régime qu'ils servent avec le masque de socialiste. Karim regarda longtemps, très longtemps, le jeune visage d'Ahmed Zabana. Beau, les yeux sereins, francs et profonds. Ensuite, il lut la dernière lettre de ce jeune homme alors qu'il savait avoir été condamné à mort et serait rapidement exécuté. Karim ne résista plus. Ses yeux se remplirent de larmes. Il les laissa se gonfler, puis couler lentement sur ses joues. Il maintint le regard sur le visage de l'auteur de la lettre. Karim voulait s'en imprégner, s'efforcer d'être à sa place, pour comprendre à fond ce qui eut lieu en ce temps-là, et découvrir combien grande est sa dette, c'est son mot, envers les combattants et combattantes auxquels il doit de ne plus être un colonisé, un bougnoul. Karim admira aussi la foi qui animait ce combattant. Libératrice, elle lui fournissait la dignité et le courage pour la conquérir. Karim eut une pensée. Mon combat émancipateur ne se nourrit pas d'une croyance supraterrestre, mais simplement de l'exigence humaine pour une vie caractérisée par la liberté individuelle et la solidarité collective. Une fois devenu poussière, je verrai s'il y a autre chose, quoique tout montre qu'il n'en est rien, que je le veuille ou pas. Cette insouciance me permet d'être serein, me contentant de mon présent concret, et de n'ambitionner rien d'autre que la liberté, l'égalité et la solidarité sociale sur cette terre où je vis. Pour moi, cela est largement suffisant comme paradis. À côté de Karim, Séléphide manifestait une attitude discrète de simple accompagnateur. Il était satisfait du résultat produit par cette visite sur son jeune ami. L'expression très concentrée du visage de ce dernier, l'éclat particulier de ses yeux et ses larmes montraient nettement ce que Karim tirait comme leçon de ce qu'il venait d'apprendre. Quand Séléphide et Karim sortirent de ce lieu éminemment sacré de l'indispensable mémoire, ils allèrent vers le front de mer proche du musée. Consciemment ou non, ils avaient besoin de respirer de l'air frais pour chasser les images vues à l'exposition. Pestilentielle cruauté de prétendus civilisés et souffrance inouïe de stigmatisés comme barbares. Arrivés sur le boulevard longeant la mer, les deux amis se promenèrent à pas lents. Après quelques minutes, le plus jeune remarqua le visage un peu mélancolique de son vieil ami. Puis-je savoir à quoi tu penses ? Hasarda Karim. Si Laffitte se tourna vers lui, puis déclara, d'un ton plutôt désolé, « Voici le contenu. Mes chers parents, ma chère mère, je vous écris sans savoir si cette lettre sera la dernière, et cela, Dieu seul le sait. Si je subis un malheur, quel qu'il soit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. La mort pour la cause de Dieu est une vie qui n'a pas de fin, et la mort pour la patrie n'est qu'un devoir. Vous avez accompli votre devoir, puisque vous avez sacrifié l'être le plus cher pour vous. Ne me pleurez pas, et soyez fiers de moi. Enfin, recevez les salutations d'un fils et d'un frère qui vous a toujours aimé et que vous avez toujours aimé. Ce sont peut-être là les plus belles salutations que vous recevrez de ma part, à toi ma mère et à toi mon père, ainsi qu'à Nora, Elwari, Halima, El Habib, Fatma, Keira, Salah, Edinia et à toi mon cher frère Abdelkader, ainsi qu'à tous ceux qui partageront votre peine. Allah est le plus grand et il est seul à être équitable. Votre fils et frère qui vous aime de tout son cœur, Hamida. Je pense à ceux qui affirment qu'avant l'indépendance, l'Algérie était mieux. Certes, aujourd'hui, elle se porte mal, la proie d'une mafia se masquant derrière un drapeau national, tout le contraire du bel idéal social qui animait les combattants de la guerre de libération. Néanmoins, rien, absolument rien, n'est comparable à l'infâme situation coloniale. Oui, les rues étaient propres et les façades des immeubles jolies, mais les Algériens étaient salis par le mépris colonial et leur corps enlaidi par l'exploitation, elle aussi coloniale. Ah, Karim! Avec une touchante affection, Laffitte posa sa main droite sur l'épaule de son jeune ami. Que tu as eu de la chance de ne pas l'avoir subi personnellement, cette colonisation. Tous les documentaires du monde, même les plus fidèles, ne peuvent pas rendre compte de ce que l'Algérien souffrait par la faute du colonialisme. Cependant, veille à connaître ce que fut le colonialisme, non pour ressasser les tragédies passées, mais afin de ne pas commettre l'erreur, imbécile, sinon manipulatrice, de croire que le colonialisme étranger est préférable à celui intérieur. Les deux sont détestables et totalement condamnables. Mais l'étranger fut nettement pire, quoi qu'on dise, car la haine de classe s'aggravait par la haine de race et de religion. Les deux amis continuèrent à marcher, concentrés dans leur cogitation. Par chance, le moment était propice. Très peu de circulation automobile et seulement quelques promeneurs sous le large trottoir. En poursuivant la déambulation, Laffitte reprit. Ce serait la plus grande catastrophe si les générations n'ayant pas subi le colonialisme ignorent ce qu'il fut. Oublier serait tuer une deuxième fois les résistants assassinés et ne pas reconnaître la dette envers eux, surtout qu'à présent des archi-nouvelles versions sont apparues. Karim se rappela les articles de presse que le vieillard lui avait signalés concernant cet argument. Ils soulevèrent de vivaces polémiques, signe de grave actualité du problème. Laffitte poursuivit. Ces nouveaux archis s'activent dans tous les domaines de la vie sociale, notamment économique. Cela va du commerce informel des islamistes, en relation avec le régime turc, ou d'une monarchie moyenne-orientale, aux affairistes et politiciens, liés aux intérêts néocolonialistes occidentaux. Pour faire avaler la couleuvre au peuple, notamment à sa jeunesse, voici à l'œuvre également les nouveaux harkis dans le domaine culturel et historique. Ils sèment la peste de la mémoire, ne trouvant dans le noble combat patriotique anticolonial que des faits condamnables. Non pas que ces derniers n'aient pas existé ou sont à occulter, mais ne faut-il pas les insérer dans le cadre général d'une guerre patriotique? Les fautes et les méfaits des résistants étaient nettement inférieurs en comparaison des crimes des dominateurs étrangers, depuis leur installation dans le pays. Rappelle-toi la déclaration de Labri Ben Midi. Vous nous reprochez l'emploi du couteau. Donnez-nous alors vos chars et vos avions bombardiers, et nous renoncerons volontiers au couteau. Il est nécessaire de distinguer entre crimes de résistance et crimes des envahisseurs contre l'humanité, autrement, sous prétexte de dénoncer les premiers, on justifie les seconds. C'est précisément ce que veulent les néocolonialistes. Occulter leurs méfaits, illégitimes et immondes, derrière les actes, légitimes et nettement moins meurtriers, des résistants à la domination coloniale. Ainsi se prépare la nouvelle agression revancharde pour encore une fois s'emparer du territoire, de ses ressources et faire suer le burnous de notre peuple. Car les dominateurs sont comme les loups et les serpents, ils peuvent changer de peau si les circonstances les y contraignent, mais jamais de nature. Hélas, nota Karim. Dans les commentaires concernant ces écrits de Harki Nouveau, j'ai constaté que des compatriotes leur accordent de l'importance. C'est parce que, expliqua Laffitte, ces nouveaux harkis emploient une tactique rusée. Ils mettent en évidence uniquement deux insuffisances du peuple, la sexualité frustrée et la religiosité obscurantiste. Mais ils occultent totalement, d'une part, les causes réelles qui produisent ces deux carences, et d'autre part, les aspects positifs du peuple, qui contrebalancent ses défauts, notamment ses luttes sous diverses formes pour combattre les deux fléaux dont il est victime. Il se tut quelques secondes. Il ajouta, raisonnant avec lui-même, tout en s'adressant à son jeune ami, « Est-il raisonnable et objectif d'accuser le peuple de cet art, sans expliciter la responsabilité première et principale des dirigeants du pays dans cette déplorable situation ? Comment expliquer la misère sexuelle et la misère cléricale, lesquelles vont ensemble, sinon comme des moyens efficaces pour justifier et maintenir le peuple dans l'aliénation, condition indispensable pour le dominer et donc l'exploiter ?» Karim observa. Quant au peuple mis en accusation, il n'a pas les moyens de répondre à ses détracteurs. Par contre, les dirigeants du pays disposent d'une panoplie de procédures pour recadrer l'auteur qui oserait les mettre en question. En outre, j'ai remarqué comment ces nouveaux harkis, auteurs d'articles, de romans ou de films, se présentent dans les médias. Vêtements clinquants, attitudes et regards d'acteurs ou actrices hollywoodiens. Et bien entendu, un maximum de publicité et de diffusion, source d'argent dans les pays néocoloniaux. Et malheureusement, ce genre de marchandises mercenaires trouve des victimes en Algérie chez les naïfs, les aliénés et les individus sans scrupules. Karim s'attrista et ne put s'empêcher de communiquer son sentiment à son ami. Quel dommage! Quelle malédiction qu'après l'indépendance, cette belle terre a été accaparée par d'ignobles aventuriers cultes, ambitieux, devenus par les armes et la corruption les nouveaux colonialistes intérieurs de notre beau pays. Si Lafitte commande. Ils sont les joueurs de flûte qui permettent aux rats de naître et de semer la peste dans le peuple. Les immondices dans les rues en sont l'exact reflet. En retournant chez lui, Karim lève instinctivement les yeux vers les plaques des rues. La plupart portent un nom et un prénom, précédés de la mention en shahid, suivis par les dates de naissance et de décès. Donc, il s'agit de combattants de la guerre de libération nationale, assassinés par l'armée coloniale. Soudain, Karim prend conscience de sa coupable inattention. Nos rues sont pleines de ce genre de mentions et pourtant je ne leur prêtais aucune attention. C'est que, étant né après l'indépendance, je n'ai pas subi les affres du colonialisme. Et les dirigeants de mon pays ont tout fait pour occulter cette histoire, car ils auraient démasqué leur forfaiture. Sans oublier les combattants eux-mêmes, qui n'ont pas suffisamment écrit pour témoigner. Mais est-ce là des excuses suffisantes ? Ce manque d'intérêt de la part de Karim vis-à-vis de ceux auxquels il doit sa dignité de citoyen libéré de l'immonde colonialisme, ce manque pince douloureusement le cœur du jeune homme. La dette oubliée, ah, l'ingratitude, le manque de reconnaissance, se reproche-t-il en se promettant d'y remédier sans savoir comment. Ces réflexions suggèrent à Karim les innombrables paraboles qui enlaidissent les immeubles. Normal, quand la télévision nationale n'est qu'une boîte de mensonges, proférés par des perroquets en service harkis rémunérés, il faut bien se rabattre sur l'extérieur pour savoir quelque chose. Hélas, cet extérieur lui aussi, quel intérêt aurait-il à nous rappeler notre passé libérateur ?